الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، on continue inshallah ta'ala avec غزوة تبوك. Ici l'expédition de Tabouk. Quand on parle de Tabouk, on se rappelle de التوبة. Tabouk, Tauba, Sourate التوبة, c'est la sourate, le repentir. Donc on a déjà voyagé, donc à deux reprises, à deux séances, lors de deux cours, à travers Sourate At-Tawbah. Et là, on est dans la dernière séance, ou la dernière partie de cette ghazwa, de cette expédition. Et on va parler des trois compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, qui ont, on va dire entre guillemets, ici, déserté cette expédition. On en avait parlé très brièvement la semaine dernière. On avait commencé à les citer lors du précédent cours. Et on va rentrer dans les détails concernant cette histoire, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, lors de Ghazwat Tabouk, comme on l'avait vu dans les précédents cours, on en parlait souvent ici des hypocrites et des gens sincères, véridiques. Et on a vu bien le contraste clair, évident, ici, entre les hypocrites et les véridiques. Donc, les hypocrites qui trouvaient maintes excuses qui étaient fondées simplement sur les passions. Ici, et de l'autre côté, les véridiques qui pleuraient. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas participer à cette expédition-là. Ils voulaient tout donner, tout sacrifier pour participer à cette expédition-là, mais ils n'en avaient pas les moyens, et ils ont été sincères, ils ont été véridiques. Encore une fois, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ils n'ont varié en rien dans leur engagement, comme Allah Azza wa Jal, il dit d'eux dans le Coran al-Karim, wa ma baddalu tabdila. Donc, quand ils se sont engagés, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et particulièrement tous les compagnons, ayyuhal ikhwat wal akhawat, qui ont vécu les premiers préjudices avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, les compagnons qui ont suivi, qui ont cru ici au message du prophète alayhi salatu wassalam dès les premiers instants, ceux qui ont embrassé l'islam avant Fethu Mecca, bien sûr, ceux-ci, comme le mentionnaient les savants, ici font partie des meilleurs des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Ala kulli hal, il y a eu trois compagnons. Trois compagnons qui font partie des compagnons véridiques. Un d'eux a participé à toutes les expéditions sauf la bataille de Badr. Les deux autres compagnons ont participé même à la bataille de Badr, radiyallahu anhum wa ardahum. Ce n'étaient pas des hypocrites, mais ils ont déserté cette expédition-là. Et on va voir ici la parole de Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, concernant leur situation à la fin du cours, bi-idnillahi azza wa jal. Regardez bien, suivez bien. Ici, il y avait Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ce grand compagnon, qui a participé à toutes les ghazawat, toutes les expéditions, illa sauf, bien sûr, Ghazwat Tabouk, et ici, précédemment, ou celle qui était venue avant, bien sûr, la bataille de Badr. Et il y avait aussi le grand compagnon Murarat ibn Rabi' radiyallahu anhu warda, qui a participé même à Badr. Donc ce grand compagnon Murarat ibn Rabi'. Il y avait Hilal ibn Umayya, ce grand compagnon aussi, qui a participé à la bataille de Badr. Donc ce n'est pas n'importe quel compagnon. Ils font partie des plus grands des compagnons. Ils ont embrassé l'islam avant Fethu Mecca, ici la conquête de la Mecque. Mais avec cela, regardez comment Allah Azza wa Jal, comment le prophète alayhi salatu wa salam ont agi envers ses compagnons-là. Comment le prophète alayhi salatu wa salam s'est écarté, les amis entre guillemets, comme on va voir plus dans les détails, inshallah ta'ala, en quarantaine. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas participé à l'expédition de Tabouk. Pourtant, c'était des grands compagnons. Comme ils disent les savants, ils n'ont pas versé de sang illicite. Ici, ils ne sont pas tombés dans le kaba'ir, dans de grands péchés. Ici, ils n'ont pas, yani, fait de choses qui font partie des pervers. Walakin, ils n'ont pas participé à cette expédition. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de compagnons qui n'ont pas participé, par exemple, à certaines expéditions, mais ils n'ont pas reçu, ici, ou ils n'ont pas subi ce qu'ont subi ces trois grands compagnons. Et ici, je vous renverrai, inshallah ta'ala, à la parole de Hassan al-Basri à la fin du cours, inshallah ta'ala. Donc, ses compagnons ont reconnu leur erreur. On avait cité que le prophète alayhi salam, quand il était rentré ici à Médine, donc il avait fait deux rak'atayn à la mosquée, et ensuite, khlas, les gens sont arrivés. Les gens qui n'ont pas participé à cette expédition. Il y avait bien sûr, d'un côté, un grand groupe de menteurs. Ils étaient à peu près 80. Donc chacun a porté son excuse. Moi je pouvais pas, ya Rasulallah, wallah, et moi il y avait ceci, moi il y avait mes enfants, moi il y avait ma femme, moi il y avait ma mère. Chacun des excuses. Khlas, ils ont dit c'était des excuses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a jugé leurs paroles. D'accord, il a pris en compte leurs paroles. Et ici, il a imploré le pardon pour eux. Il a imploré le pardon pour eux et il a accepté leur excuse. Khlas, vous donnez vos excuses, khlas. Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais le prophète Azza wa Jalla, il a accepté. Ensuite, il y a trois qui sont arrivés. Et ici, Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda est venu. Et au début, il voulait mentionner, citer des fausses excuses aussi. Tellement qu'il avait honte du prophète alayhi salatu wa sallam. Tellement qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Tellement qu'il avait honte de ne pas avoir participé alors qu'il n'avait aucune excuse. Il le savait très bien. C'était un jeune ici qui avait vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, qui avait de l'argent, qui avait des biens. Il aurait pu participer à la bataille, voilà qu'il n'a pas participé. Il avait honte. Il voit le prophète alayhi salatu wa sallam. Il se dit pendant ici qu'il s'approche du prophète, je vais dire peut-être cette excuse. Lakin à la fin, il n'a pas pu. As-sidq, la véracité, elle a pris le dessus. La véracité, elle a pris le dessus, donc il n'a pas pu ici mentir. Il est arrivé vers le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a fait que dire la vérité. Mais avec lui, il ne savait pas. Quand il s'est renseigné, qui avait dit la vérité aussi? Qui avait dit ici qu'il n'avait pas participé à la bataille de Tabouk alors qu'il n'avait aucune excuse valable? Ils l'ont renseigné, ils ont dit qu'il y avait tel compagnon, Murara. Et il y avait ici Hilal, ses deux compagnons. Et il les connaissait comme étant des gens qui avaient participé à Badr et comme étant des gens véridiques. Ceci l'a apaisé. Il a dit, alhamdoulilah, je suis pas seul. Il dit, si c'est des gens qui sont aussi, attention, ce n'est pas, ça ne veut pas dire comme certains disent, bon, khalas, il m'est arrivé le Monseba, Foulan, il lui est arrivé le Monseba aussi, alhamdoulilah, je suis pas tout seul. Non, abadan. Lui, pourquoi? Pourquoi il a dit, je suis pas seul? Il s'est senti un peu réconforté. Non, c'est pas le seul à avoir dit la vérité, bien sûr, mais c'est des grands compagnons, des gens qui étaient connus, ils avaient attesté à de Badr. Donc il s'est dit, khlas, c'est alhamdoulilah, c'est que c'est pas justifiable. Lakin, voilà, il s'est senti un peu réconforté. Il a dit, de grands compagnons comme eux, ils étaient Badr, ils étaient sincères, véridiques. Eux aussi, je suis pas le seul. Donc ici, c'est par rapport à ça qu'il s'est senti ici, yani, réconforté. Cette histoire, elle est rapportée dans un très long hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, ou Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda, lui-même raconte l'histoire. Cette histoire-là, des trois compagnons qui n'ont pas participé à Ghazwat Tabuk, comment Allah a parlé d'eux, comment le prophète alayhi salatu wa sallam a réagi avec eux, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda l'a raconté. Je peux vous la raconter comme ça, sans ici citer chaque mot de ce hadith-là, pour qu'on soit plus concentré, plus dedans, etc. Lakin, je préfère. C'est un hadith authentique, très long, très bien détaillé. Je préfère faire de la lecture, vous le lire, et s'arrêter, inshallah ta'ala, sur chaque point. Donc, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda, il rapporte. Je m'approchais du prophète alayhi afdalu salati wa taslim. Et m'assis près de lui. Alors le prophète alayhi salatu wasalam demanda, qu'est-ce qui t'a empêché de participer à la campagne? Il lui dit à Ka'b, tu n'avais pas acheté une monture? J'ai répondu, si, mais par Allah, si j'avais à rendre des comptes à quelqu'un d'autre que toi, je verrais qu'un prétexte m'éviterait sa condamnation, car je sais polémiquer. Mais par Allah, regardez, il dit, j'aurais pu inventer des excuses. Regardez, là on va voir quoi? Ka'b ibn Malik, quand tu penses à lui, pense à quoi? À la véracité. Et ici, prends comme référence quand tu veux parler des gens véridiques. Et quand toi, Shaitan, te pousse à mentir pour t'enfuir ici, il y en a de certaines situations, rappelle-toi de l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, et ici, prends cette histoire comme référence. Et il dit, Ka'b ibn Malik au prophète alayhi salatu wassalam, mais par Allah, je sais que si je te mens aujourd'hui et que tu m'agrées, bientôt Allah azza wa jal te portera à me maudire. Ça c'est quoi? C'est quoi qui parle là? C'est quoi? As-sidq, at-taqwa Allah. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le scandaliser. Est-ce que ça c'est des gens sincères? Il sait très bien que si il ment au prophète, il ne fait que quoi? Se mentir à lui-même. Il ment au prophète, mais il ment à Allah Azza wa Jal. Et il sait très bien qu'Allah Azza wa Jal le voit. Il sait très bien qu'Allah Azza wa Jal l'entend. Et ça c'est ce qu'on appelle aussi al-ihsan. Comme a dit alayhi salatu wa salam, an ta'bud Allah كَأَنَّكَ تَرَاهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهِ فَإِنَّهُ يَرَاكِ. C'est comme si, c'est adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. Mais si toi tu ne le vois pas, lui certes il te voit. Ça c'est l'ihsan. Regardez, il a dit j'aurais pu, mais j'ai peur. J'ai peur que quoi? Ici après Allah me scandalise et tu me maudisses. Ensuite il dit, en revanche, si je te dis la vérité, tu me tiendras grief. Ce que j'espère, donc c'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Par Allah, le jour de votre départ pour Tabouk, je n'avais aucun empêchement. Il a dit la vérité. Il a reconnu son erreur, il a reconnu sa faiblesse. Il dit, je n'avais aucun empêchement. Je n'avais jamais été aussi vigoureux, ni aussi aisé que lorsque je t'ai fait défection. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répliqua, quant à celui-là, il vous a dit la vérité. Il a dit la vérité. Ici, pourtant, les premiers, est-ce qu'ils se sont en sortis? Les 80, 80, ils sont arrivés. Moi, il y avait ça, ma mère, mon père, ma tante, ma grand-mère, mon... c'est bon. Allah, le prophète Hassim, il a imploré le pardon pour eux. Regarde, il a imploré le pardon pour eux. Au moment présent, peut-être ils se sont en sortis. Khlas, au début, il n'y a pas de problème. Walakin kama yaqulu alayhi salatu wassalam, innama al-a'malu bi al-khawati. Les actions ne valent que par leur fin. C'est pas le moment présent que t'es la gloire, que t'es la notoriété, que tu t'en tires bien, que les gens t'envoient des éloges, que. On a dit, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on ne cesse de le répéter, les actions ne valent que par leur fin. Allah, il va te scandaliser. Parle. Wallahi al-adim ajib. J'ai parlé avec une personne. Ici, quand j'étais à l'aéroport, je parlais avec une personne âgée. Juste, ça vient de me faire tilt. Hein. J'ai pas préparé cette histoire. Ça vient de me faire tilt. Ici, une personne âgée. Bon, miskin, certes, il était égaré. Il était, qu'Allah azza wa jalla le guide, une cigarette à la bouche. Ici, c'était une personne, bref, d'une certaine contrée d'un pays du Maghreb. Je veux pas citer le nom. À la kulihal, il me parle. Donc, il commence à me parler. Salam alaikum, salam alaikum. Tout de suite, ici, il m'agresse un peu en me disant, oui, moi, j'en connais plein. Moi, dans mon pays, ils ont la barbe des femmes. Ils ont, voilà, le sitar, etc. Voilà, c'est que de la mafia. C'est que des, il y en a la plupart, là, en musta'an. C'est des trucs, ils mentent, ils ceci, cela. Khlas. Il arrêtait pas de me parler. Je savais très bien, moi, j'ai voulu lui faire une petite exhortation. Rien à faire. Plus tu lui faisais, plus khlas. Il montait au créneau. 25 ans, j'ai vécu dans ce pays-là. Je les connais. Moi, je sais très bien. Je dis, généralise pas. Il me dit, généralise pas, mais la plupart, c'est comme ça, khlas, kada wa kada. Après, il me dit, regardez. Ça, c'est quoi? Le croyant. Qui aime la science. Qui cherche la vérité. Wallahi, même si tu vois un pervers. Facile. Parce que celui-là, c'est un pervers. Khlas, il faisait des choses, bref, qui prouvaient que c'était un pervers de façon apparente. À la kulli hal, t'es égaré dans ses paroles. Lakin, quand tu vois une personne qui te parle, et tu te vois obligé, et il y a une raison que tu l'écoutes, essaie quand même de chercher un profit en lui. Ça, c'est la personne avec qui l'intelligent. N'importe quelle personne qui te parle. Et si tu vois que tu as moyen de profiter quelque chose de lui, profite. Essaie de prendre quelque chose si cette chose est une vérité. Comme il a fait Abu Huraira avec qui? Shaitan. Donc ici, cette personne-là m'a dit une parole. Et regardez, il me dit, écoute bien. Bon, certes, il grossissait la chose en disant, oui, ils sont tous comme ça, etc. Ou si ce n'est la plupart. Mais regardez ce qu'il me dit. Il me dit, écoute bien. Tu peux parler sur ce que tu veux, des choses avec tes enfants, avec ta femme, rire sur ta femme, rire avec tes enfants, etc. Mais quand tu parles au nom de la religion, attention, c'est pas un jeu. Si tu mens, ici tu vas le payer un jour ou un autre. Regardez, subhanallah, alors qu'il disait que départ, est-ce que cette parole est vraie? Cette parole est vraie. Même lui, il a compris par expérience, même s'il il a beaucoup de paroles qui étaient erronées. Mais regardez, ici, cette parole, est-ce que ce n'est pas une parole véridique? Il l'a su, il l'a compris, que quand tu parles au nom de la religion, khlas, lui, il avait sa cigarette dans la bouche, il parlait avec moi, pas de compte. Mais ba'da, au moins, on va dire, ce n'est pas, il y a une justifiable, on va dire, ce n'est pas une belle chose, mais, en tout cas, on va pas dire, oui, il fume la cigarette pour montrer qu'il est pieux. Khlas. En tout cas, il te montre clairement, moi, je suis égaré, clair, lakin, attention. Il y a des gens qui ont la barbe, qui ont ceci, qui ont cela, mais ils ne sont pas sincères. Nous, on juge pas ici les intentions, on juge les actions. Même si la plupart de ces paroles étaient fausses et la façon qu'il les a, dont il les a sorties était fausse parce qu'on peut pas généraliser, etc. Mais cette parole, ce petit morceau, de conversation était vrai. Quand il dit, attention, ne parle jamais au nom de la religion en mentant. En essayant d'acquérir une chose mondaine. Ici, tout simplement au nom de la religion. Ici, car ici, tu vas le payer un jour ou un autre. C'est une parole vraie. Regardez ici. Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il savait très bien qu'aujourd'hui il pouvait. Il a dit, je peux m'en tirer. Ya Rasulallah, je peux parler, je peux polémiquer. Il a dit, lakin je sais très bien que quoi? An-nihaya, la fin ça va être quoi? Je vais être scandalisé. Et c'est ça, ici la personne véridique. Et la plus grande morale qu'on tire de ce cours aujourd'hui, c'est quoi? Attention d'être un menteur et sois parmi les véridiques. Et on va voir ça dans les détails bi-idhnillahi azza wa jalla. On continue, inshallah ta'ala. Et il dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, répliqua, quant à celui-là, il vous a dit la vérité. Allez, va, jusqu'à ce qu'Allah t'apporte son jugement. Regardez, il a dit la vérité. Là, qu'il a dit, allez, vas-y, va. Khalas. Jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il apporte son jugement. Et je partis, ajouta Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, alors des gens de la tribu des Bani Salama me rattrapèrent et me reprochèrent de ne pas avoir présenté au prophète, alayhi salatu wasalam, plusieurs autres excuses ou des prétextes susceptibles de l'amener à me pardonner. Pourquoi tu as pas dit ça? Peut-être il t'aurait pardonné. Pourquoi tu as pas fait ça? Pourquoi? Ensuite, il dit Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda, ils m'ont fait tant de réprimandes que j'ai failli revenir auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour ici argumenter. Plutôt des prétextes mensongers, mais je leur demandais qui d'autre a adopté auprès du messager ou du prophète la même attitude que moi. Il a dit, même moi, tellement qu'ils m'ont fait de la pression, je me suis dit, bon, peut-être je vais mentir. Et regarde, tu verras toujours quand tu es véridique, ici, des épreuves sur ton chemin. Ou des gens qui vont dire, là, c'est quoi, tout le monde ment maintenant. Pourquoi toi, tu vas dire la vérité? Ça sert à rien. Regarde, il y a plus de mal que de bien, etc. Regardez, Ka'b ibn Malik, il a dit, regardez, il a vu le bon côté de choses, il a dit, plutôt qui a dit la vérité comme moi? Et c'est là où ils l'ont renseigné sur les deux autres compagnons. Ils ont dit, un tel et un tel. Il a su qu'ils avaient participé à Badr, il a dit, alhamdoulilah. Il a été ici apaisé. Ils m'indiquèrent deux hommes. Donc, Murara, ici, et Hilal, radiyallahu anhuma, cela me consola car c'était deux hommes pieux qui avaient assisté à Badr et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Alors je m'en allais. Khalas, vous suivez. Le prophète, alayhi salatu wassalam, interdit aux gens de nous adresser la parole à tous les trois. Les gens nous évitaient. Et en effet, dans une sorte de mise en quarantaine, si bien que Médine ne nous était plus vivable. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, le temps qu'il est ici, la révélation concernant leur cas, il les a exilés. En quarantaine. Et regardez comment Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu arda, ici, rapporte cette épreuve-là. Il dit, les gens nous évitaient en effet dans une sorte de mise en quarantaine, si bien que Médine ne nous était plus vivable. Cette situation dura 50 jours. Pendant 50 jours, ils ont été exilés par les compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum, jusqu'à ce que des compagnons ne leur rendaient même pas le salam. Ils leur disaient même pas alaykoum salam. Ça, ici, ayyou al-ahbab, on sait très bien qu'en islam, passer le salam, c'est une sunna mu'akkada. Raddu salam, wajib. Rendre le salam, c'est obligatoire. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, idha huyaytum, si vous avez la salutation, d'accord, rendez à cette salutation la même salutation ou une meilleure ou la même salutation. Meilleure salutation ou la même. Donc quand on dit assalamu alayka, tu dois dire obligatoirement wa alayka salam. D'accord? Wa alaykum salam. Ça c'est obligatoire. Sinon, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et Allah Azza wa Jalla commence en disant rendez par une meilleure salutation. C'est mieux. Sinon la même, c'est obligatoire. Amma passé, c'est sunna mu'akkada. Le rendre, c'est obligatoire. D'accord? Et celui qui rend pas le salam à son frère qui lui passe le salam, c'est qui rend le salam? Shaitan. Et à toi, c'est qui te rend le salam? Les anges, les malaïka. Alhamdulillah. Donc ici, le fait de passer le salam entre nous les musulmans, c'est une cause de quoi? Une cause que quoi? Al-mahabba et l'entrée au paradis. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, afshu salam abaynakum. Quand il a dit, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyants. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. Awala adullukum ala shay'in. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose, que si vous la faites, Allah va mettre l'amour entre vous? Ils ont dit si. Il a dit, afshu salam abaynakum. Mettez l'amour entre vous. Mettez l'amour passez-vous le salam entre vous, plutôt, afwan. Donc ici, on sait que, raddu salam en islam, c'est obligatoire. Lakin, ça, c'est une exception. Celui qui les a exilés, c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. A'lamun nas. La personne la plus savante. Alladhi la yantiqu 'anil hawa, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'une personne peut réagir ici de la même façon en prenant comme argument ce récit-là? Il peut ou pas? Dans quelles conditions il peut? Si on sait qu'une personne porte atteinte à la communauté ou aux musulmans, écoutez bien, et qu'ici, on sait très bien, comme ils disent Ahlul Ilm, le fait de l'exhorter, et plus on l'exhorte, et plus il persiste dans son égarement, il fait de plus en plus de mal à la communauté, et ici, on sait qu'il y a plus d'intérêt, maslaha, que ici, de dommage dans le fait de l'exiler pour le bien de la communauté, à ce moment-là, on le fait, mais on reste lui passer le salam. Ça reste un musulman ou pas? Ça reste un musulman. Ne pas passer le salam, ça c'est vraiment, khlas, ça c'est vraiment une personne de science, un savant qui peut donner ici cet avis-là, de pas passer le salam, et c'est que c'est cette personne-là, khlas, peut-être même il est déjà dans l'hypocrisie. Ah, mais pas passer le salam comme ça gratuitement, wal iyadu billah, tant que la personne est musulmane, ici, tu n'as pas droit de te dire je ne passe plus le salam. Quand c'est un kafir, ikhtalaf al ulama. Les savants ils ont divergé. Est-ce qu'on a droit de dire assalamu alaykoum à un kafir ou pas? Qawlu rajih wallahu a'lam, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala dans une de ses versions, il dit que tu dois dire ou tu as droit de dire plutôt, c'est pas tu dois. Tu as droit de dire même assalamu alayka aux non-musulmans. Clair? Dire bonjour etc., tu as le droit. Où ils ont divergé les savants? Ici le prophète alayhi sallam il a dit ne commencez pas par le salam aux non-musulmans. Donc ils disent ça concerne le salam. Donc dire salamu alaykoum. D'accord? Ou est-ce que ça concerne toute forme de salutation comme bonjour, etc. Ici, les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit, et c'est la parole la plus prépondérante, c'est le fait de dire salamu alaykoum. Là, d'accord, parce que le prophète, il dit salam. Même à dire d'autres expressions comme bonjour, bonsoir, etc. Si tu veux le faire pour montrer un bon comportement et pas par faiblesse et soumission, et pour les attirer à l'islam, fais-le. Même si tu commences à salam, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de mal. Si tu dis bonjour le premier, bonsoir, il n'y a aucun problème. Amma dire salam alaykoum le premier, non. Walakin si il te dit salam alaykoum, rendre le salam, dire alaykoum salam, qawlu rajih, tu peux, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a aucun problème. Et ici, inshallah ta'ala, on verra ça dans les détails, dans la jurisprudence, si vous voulez, bihawlillahi azza wa jal. Clair. Donc, ils m'indiquèrent deux hommes. Ces deux hommes, donc c'était les personnes qui avaient participé à Badr. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme il dit, Ka'ab, il a interdit aux gens de nous adresser la parole. À tous les trois, les gens nous évitaient, en effet, dans une sorte de mise en quarantaine, si bien que midi nous était invivable. Cette situation dura 50 jours, pendant lesquels les deux autres hommes se retenaient dans leur lamentation chez eux. Ils ne cessèrent de pleurer. Les deux autres hommes, ils restaient chez eux, ils ne cessèrent de pleurer. Tandis que lui, Ka'ab ibn Malik, radiyallahu anhu, il ne voulait pas rester chez lui. Il continuait à sortir. Il allait à la mosquée, il allait au marché, il sortait, il marchait, il vendait, il commerçait, etc. Les deux autres sont restés chez eux, ils ne cessèrent de pleurer. Tandis que je continue à fréquenter les gens, comme il dit Ka'ab dans Sahihain, à circuler dans les marchés et à assister à la prière avec les musulmans, mais sans que personne m'adressait la parole lors des prières à la mosquée. Je tentais de prendre place près du prophète alayhi salatu wassalam que je saluais après la prière, sans trop savoir s'il répondait ou non. Il dit assalamu alayka ya Rasulallah. Il disait, je savais pas. Il bougeait ses lèvres, mais j'arrivais à peine à capter s'il avait dit alaykoum salam ou alayka salam ou pas. Regardez ici, comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté avec Ka'b ibn Malik. Est-ce que ça, on peut dire que le prophète alayhi salatu wassalam était dur? Il était dur là ou pas? Il était dur là. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il était dur. Et il était doux. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Ça, c'est la preuve qu'on ne peut pas travailler qu'un verset coranique ou avec un hadith. Quand il fallait être dur, quand il fallait être dur, le prophète était dur. Et une des situations où le prophète était dur, et il a réagi avec dureté avec eux, c'est dans cette situation. Donc quelqu'un qui dit, non, t'es gentil avec tout le monde, t'es bien avec tout. Il fait le fitna, il s'appelle Mohamed. Khlas, embrasse-le. Voilà qu'il y sépare dans la communauté, il fait du mal. C'est pas grave, mon frère, on est des musulmans, le mahabba, oui. Voilà qu'il y a bonne compréhension. C'est que quoi? On veut l'union. D'accord, on veut l'union. Nous, c'est ça l'as. On veut l'union dans la communauté ou pas? On veut l'union entre les musulmans ou pas? Naam, on veut l'union. Lakin, quand il y a une personne qui veut la désunion et qui ne veut pas se réformer, ici, à ce moment-là, pour lui, qu'est-ce qu'on fait? On le hajar. Si on voit qu'il y a un intérêt, un plus grand intérêt ici, qu'un mal dans le fait de l'exiler, on l'exile. Pourquoi? Vaut mieux sacrifier une personne que quoi? Cette personne soit comme un fruit ou bien une tomate. Si on veut ici une sorte de métaphore pourrie dans un cage aux tomates qui va pourrir toutes les autres tomates, na'am, balance cette tomate et Abdallah, parce qu'il ne veut pas se réformer. Est-ce qu'on va sacrifier toute une communauté à cause d'une personne qui ne veut pas se réformer? Non. Donc ici le prophète était dur quand il fallait être dur. Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu arda, regardez ce grand compagnon, ici, il disait, même jusqu'à ce que je disais salam alayka au prophète, je pouvais même pas capter s'il m'avait répondu clairement ou pas. Le prophète, il était dur pour le haq. Quand les limites d'Allah étaient dépassées, il était dur. Et ça, c'est une preuve que tu as de là, déjà, pour ton dîn. Tu as al-rire, tu as là la jalousie pour ta religion. Wallahi, celui qui n'a pas de jalousie pour sa religion, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une foi très basse. Comment ça, tu n'as pas de jalousie pour ta religion? Quand les limites d'Allah azzawajal sont transgressées, ça te fait ni chaud ni froid. Rien, adi. Walakin, par exemple, comme je donnais souvent cet exemple, si on insulte ton père, khalas, tu vas exploser. Si on insulte le prophète, alayhi salatu wassalam, khalas, c'est comme si c'était rien du tout. On rit même. Est-ce que ça, cette personne, on peut dire qu'il a de la jalousie pour sa religion? Abadan. On ne dit pas quand on insulte le prophète, on doit se lever, crier, frapper. Non. Walakin, on doit ressentir quelque chose en soi-même. Et ici, on doit manifester ce qu'on ressent dans notre cœur, c'est-à-dire cette jalousie, à travers les paroles. C'est-à-dire en faisant quoi? Ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Montrer qui est le prophète alayhi salatu wa sallam. Faire ad-da'watu ila Allah azza wa jalla à travers la sunna authentique du prophète alayhi salatu wa sallam. Appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Ça, c'est la preuve que tu as de la jalousie pour ta religion. Et pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment de la jalousie pour ma religion? Est-ce que vraiment j'aime ma religion plus que toute autre chose? Est-ce que je réagis ici quand on fait du tort à ma religion ou aux musulmans et aux musulmanes comme je réagis quand on fait du tort à mon fils que j'aime ou à mon père, ma mère ou ma femme? Donc pose-toi la question. On continue ici. Lors des prières à la mosquée, je tentais de reprendre place auprès du prophète alayhi salatu wassalam, que je saluais après la prière sans trop savoir s'il répondait ou pas. Quand je voulais le regarder, il se détournait de moi. A'rada anni. Regardez le prophète alayhi salam, il se détournait de lui. C'est dur ou pas ça? C'est dur. Rapporté par le Bukhari en muslim. Khalas. On continue. Exacerbé par cette attitude affligeante, je m'en allais voir mon cousin Abu Qatada, son propre cousin. Regardez. Mon cousin Abu Qatada, mon plus cher ami, qui se trouvait dans son jardin. Écoute bien, Abdallah. Mon plus cher ami. Mon plus cher ami. Il est de sa famille. Mon plus cher ami, qui se trouvait dans son jardin, je le saluais et il ne m'a même pas répondu. Assalamu alaikum. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Sami'na wa ata'na. Est-ce qu'il s'est dit, oui, mais quand même, miskin, c'est mon frère, plus cher ami, c'est de ma femme. Tout de suite, directement, sami'na wa ata'na. Le prophète, il a dit quoi? Quarantaine. Salam alaykum. Il n'a plus répondu. Le prophète, il parlait avec révélation. C'est pas toi qui vas appliquer ça. Tu ne sais même pas djihiz du Coran, ou alors tu ne sais même pas expliquer c'est quoi qul a'udhu bi rabbil falaq, tu ne sais même pas faire al-wudu dans les détails, tu ne sais même pas m'expliquer deux règles de usul al-fiqh, tu sais quasiment rien du tout. Khlas, j'ai fait ma fatwa, celui-là fait partie de ahlul fitan, je lui passe plus le salam et moi je prends l'ajr et je suis dans le haqq et lui il est dans le batil. Attention, ce n'est pas un jeu. Ça c'est quelque chose de spécifique au prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, et on peut dire c'est des choses qui peuvent avoir lieu, c'est-à-dire arriver à un stade où on passe plus même le salam à une personne, mais ça c'est vraiment quand une personne de science te dit oui, après avoir vu vraiment tous les paramètres qui justifient cela. Mais ça, me dire ou te dire oui, je m'écarte d'une personne, ou je mets en garde contre une personne, d'accord, c'est une chose, mais de là à dire on lui passe plus le salam, alors que c'est un musulman, non, ça, non. Ça y est, Abdallah, ittaqillah. Donc on continue. Il dit, même mon plus cher ami, qui est de ma famille, je lui dis salam alaikum, il ne me répondait pas. Alors je lui demandais, je t'adjure au nom d'Allah Azza wa Jal, de me dire, si tu sais que j'aime Allah et son messager. Regardez, qu'est-ce qu'il lui dit? Khalas, viens ici. Est-ce que tu peux me dire si j'aime Allah et son messager? Il lui a pas répondu, il est de sa famille. Regardez un peu, il se tue. Je dus répéter une troisième fois ma question, pour qu'il me dise enfin, Allahu a'lam. Il dit, est-ce que je suis musulman? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que moi j'aime Allah et son messager? Il devenait fou, il dit quoi moi je... Imaginez-vous cette situation, mettez-vous à sa place. Le prophète il te parle pas, le prophète il se détend de toi, le prophète il te répond appelle le salam. La personne que tu aimais le plus, ton ami, de ta famille, il te répond pas le salam. Tout le monde se détend de toi dans la ville. Tu as un grand compagnon qui a participé à toutes les expéditions. Écoute, qui a participé à toutes les expéditions, qui fait partie des plus grands compagnons. Une erreur. Regarde comment le prophète Aïssam et l'ensemble des compagnons réagissent sur toi. Ensuite tu dis, Billahi alek, est-ce que j'aime pas Allah et son messager? Il te répond pas, il te dit, Allahu a'lam. Tu veux pas devenir fou? Tu dis, mais attends, je suis pas un musulman. Et il se tourne à droite, à gauche, il voit quoi? Il voit tout s'assombrir. Est-ce que c'est ce qu'on ressent quand on est touché par une épreuve immense? Khalas, tu vois à peine de la lumière. T'as du mal à voir de la lumière. Illa man rahim Allah. Sauf ceux qui ont l'iman à bloc. Tout et devient sombre, ça t'arrive. Chacun pense à la plus grosse des épreuves qu'il a eues dans sa vie. Et rappelle-toi cette situation, quand tu vois tout sombre autour de toi, même si tu vas à la mosquée, même si tu as du mal à t'en sortir, tu vois, tu es mdiyak, tu es, subhanallah, t'arrives pas à voir le bout. Alors imagine-toi, quelle plus grosse épreuve que ça, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, avec qui tu as participé dans de nombreuses expéditions, tu as voulu tout sacrifier, il se détourne de toi, il te répond à peine le salam. Et tout le monde se détourne de toi dans la ville. Comment il a dû se sentir mal? Poursuis avec moi. Ensuite, il dit, alors mes yeux se remplirent de larmes et je repartis. Il a commencé à quoi? À pleurer. Radiallahu anhu arda, j'étais au marché de la ville. Quand une personne de Syrie, qui était venu vendre des aliments, cria, qui peut m'indiquer où je peux trouver Ka'b ibn Malik, une personne qui est venue de l'extérieur. Les gens lui firent un signe en ma direction. Alors il vient me remettre une lettre ici d'un roi où il avait écrit. Qu'est-ce qu'on avait écrit? Nous avons appris que ton compagnon le prophète, il t'a traité durement. Alors rejoins-nous avec nous, nous te réconforterons. Je me dis après avoir lu la lettre, voilà encore une grosse épreuve. Parce que Ahlul Fitan, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi qu'ils aiment? Quand ils voient qu'une personne commence à être faible, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent dessus comme quoi? Comme des charognes. Khalas, celui-là, il s'écarte un peu du groupe. Ah, là, il y a possibilité de le récupérer. Ils attendent que ça. Regardez, de l'extérieur, ils ont envoyé une lettre. Khalas, viens, le prophète, celui-là, il est dur avec toi. Viens avec nous, nous, on va te réconforter. Regardez, imaginez-vous l'épreuve, tout le monde contre lui, il a mal énormément, il pleure, on lui propose, viens, nous on va te réconforter, on va te donner tout ce que tu veux. Et ça c'est le comportement qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui, quand il y a des gens qui voient des brebis égarées, même qui font partie de la communauté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les personnes, les brebis qui s'écartent du groupe pour telle ou telle raison, et ici ils leur sautent dessus. Viens, viens. Ça c'est quoi? C'est comme les mouchriquins ont réagi à l'époque ici du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit quoi? Min al-mu'minina rijal wa ma baddalu tabdila. Ils ont varié en rien dans leur quoi? Dans leur engagement. Qu'est-ce qu'il a fait Ka'b ibn Malik? Il a dit, je vais avec le prophète alayhi salam. Il dit quoi? Puis je brûla ici tout de suite la lettre. Le 40e jour. 40 jours. 40 jours de la même façon. Personne ne parlait, personne vendait avec eux, personne ne leur achetait, personne. Et Ani, ils les ont exilés. Les deux autres là, ils sont plus sortis de chez eux. Ils sont restés chez eux. Ils voulaient même pas. Ils ont tellement eu mal. Ça les a tellement. C'est pas deux jours d'épreuve, 10 jours, 40. La plus grosse épreuve que tu as vécue dans ta vie, Abdallah, wallah, il adim, elle ne peut pas être ici assimilable à cette épreuve. Que le prophète Alayhi se détourne directement de toi. Imagine-toi, toi tu fais un rêve. Imagine-toi, ya Abdallah. Tu fais un rêve, même si tu as tout ce que tu veux ici-bas. Tu fais un rêve clair. Où le prophète Alayhi Salatu Wassalam, vous savez très bien que le prophète Alayhi dit dans Sahih, quand quelqu'un d'entre vous rêve de moi, c'est qu'il m'a vu réellement. Car Shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Hakada qala Alayhi Salatu Wassalam. D'accord? Et le prophète Alayhi Salam vient sous sa vraie apparence. Et Inch'Allah Ta'ala, bi'idnillahi Azza wa Jalla, on fera la description à la fin de la biographie du prophète, la description physique totale du prophète Alayhi Salatu Wassalam. Donc il vient avec la vraie description dans la sunna authentique du prophète Alayhi Salam. C'est lui dans ton rêve. Il vient et il te dit, écoute, tu es un égaré et je me détourne de toi. Wallah, je ne sais pas si tu vas pouvoir manger pendant plus que 40 jours. Clair, le prophète, il vient, tu vas te sentir mal. Pourquoi je prie? Pourquoi je vais faire le hajj? Le prophète, il dit, je me détourne de toi. Imagine réellement le prophète est à côté de toi, il se détourne de toi. Et en plus les gens essaient de t'attirer. Et ici il se met à pleurer. 40 jours, il reste dans leur maison. Lui il sait, rien à faire. On lui passe pas le salam pour la plupart des gens, etc., etc. 40 jours passés, est-ce que ça s'arrête là? Regardez ce qui s'est passé encore. Ici il dit, le 40e jour, un envoyé du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vient à moi. Et il vient m'informer, écoutez bien, c'est pas informer khlas, tu es pardonné. Il vient m'informer que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même m'ordonnait de ne plus approcher mon épouse. Khalas, même ton épouse. Au 40e jour, encore 10 jours. Ici, 10 jours, ils sont restés dans cette situation. C'est-à-dire, 10 jours sans approcher leur épouse. Le prophète t'ordonne de même ta propre femme chez toi, tu n'as plus le droit de l'approcher. Ajib. Regardez ici la torture psychologique. La torture psychologique. Ici, à qui on va dire, à quel homme on va dire, ici, toi, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec ton épouse. Si son épouse est musulmane, quel type d'homme? Une personne qui est sortie de l'islam. Est-ce qu'une femme a le droit d'être mariée avec un homme musulman? Elle n'a pas le droit. Ça ne veut pas dire que Ka'b ibn Malik, a'oudhou billah, il était sorti de l'islam. Mais regardez ici quel niveau, quel degré. Ici, des preuves il a atteint. Même son épouse, il n'avait plus le droit d'avoir des rapports avec elle. Il lui a dit, khalas, tu n'approches plus ton épouse. Il avait ordonné la même disposition aux deux autres hommes de la défection. Donc ceux qui s'étaient restés en arrière. Alors je demandais à ma femme de regagner le domicile de ses parents et d'y rester jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal apporta son jugement. Khalas, il a dit à sa femme, rentre chez tes parents. Quant à l'épouse de Hilal ibn Umayya, radiyallahu ta'ala anhu, arda, elle demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, l'autorisation. Ibnihi alayhi salatu wasalam, est-ce que je peux rester avec mon mari pour le servir? Parce que c'est une personne âgée. Le prophète alayhi salatu wasalam, il lui a donné l'autorisation. Claire, il lui a donné comme condition, tu n'as pas le droit de l'approcher. Pas le droit d'avoir des rapports avec lui, mais toi, khlas, exception, tu peux rester le servir ici. La même autorisation que celle accordée à Hilal, ici, mais je refusais en disant par Allah Azza wa Jal, je ne demandais au prophète alayhi salatu wasalam, khlas. Plutôt, ici, certains ont demandé. Pourquoi tu ne demandes pas la même autorisation? qu'a demandé ici l'épouse de Hilal. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warda. Il a dit, je n'ose même pas demander au prophète. Parce que Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu warda, c'était une personne très, très jeune, robuste. Tandis que ici, Hilal, c'était une personne âgée. Il a dit, j'ai honte. Regarde la situation. Le prophète se détourne de moi. Il passe pas le sérum. J'ai pas participé à la raswa. En plus de ça, je vais aller lui dire, Ya Rasulallah, laisse-moi l'autorisation ici que ma femme reste avec moi. Il a eu honte. Il a dit, je peux pas, moi. Donc il a refusé ici, radiyallahu anhu warda, en disant, par Allah, je ne demanderai pas une telle autorisation au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Que dirait-il si je lui ai demandé l'autorisation de garder ma femme auprès de moi alors que je suis jeune? Cette situation dura encore 10 jours. Du 40e jour après notre bannissement jusqu'au 50e jour. En tout, combien de jours? 50 jours où le prophète s'est détourné d'eux, et les 10 derniers jours ici c'est devenu plus intense, ils n'avaient plus le droit d'avoir de rapport avec leur épouse. Le matin du 50e jour, je fis ma prière de Sobh. Ici il a fait la prière du matin à Sobh. Je m'assis sur la terrasse de ma maison, absorbé par mon affliction et par cette peau de chagrin qui rétrécissait davantage. Soudain j'entendis une voix crier fortement du haut d'un mont: réjouis-toi de la bonne nouvelle, Abshir ya Ka'b. Réjouis-toi de la bonne nouvelle, au Ka'b ibn Malik. Je me prosternai aussitôt. Donc Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warda, quand il a entendu ça, Abshir ya Ka'b, il s'est dit, khlas, alhamdulillah. Ça c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il est tombé tout de suite prosterné. Il s'est prosterné aussitôt ici, et il dit, à ce moment-là, après la prière de Sobh, le prophète m'informa ou informa les gens qu'Allah nous avait pardonné. Des gens allèrent à la hâte informer mes deux compagnons d'infortune. Un cavalier est parti au galop à la destination de ma maison. Mais l'appel lancé par un autre homme du sommet du mont était plus rapide que le cheval. Cet homme qui avait annoncé la nouvelle du haut du mont vint me féliciter de la délivrance. J'ôtai mes tuniques et j'en le revêtis aussitôt en signe, écoutez bien, en signe de reconnaissance. Clair? Et de la bonne nouvelle qu'il m'avait annoncée. Je n'avais que ces tuniques, alors j'ai dû emprunter d'autres pour me rendre chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens m'accueillaient. On va s'arrêter avec ces points-là, on va revenir. Les gens m'accueillaient par groupe et me félicitaient du repentir. Je continuais jusqu'à la mosquée où était assis le prophète, alayhi salatu wassalam. Entouré par les gens, alors Talha ibn Ubaidallah radiyallahu ta'ala anhu warda se leva et accourut me serrer la main en me félicitant. C'était le seul immigrant à avoir manifesté cette amabilité. Jamais je ne l'oublierai. Après que je l'ai salué, j'ai salué le prophète alayhi salatu wassalam, il me dit, réjouis-toi ya Ka'b, réjouis-toi du meilleur jour, écoutez bien, du meilleur jour que tu aies connu depuis ta naissance. Et on va revenir sur ça. Je demandais, ô messager d'Allah, d'où vient ce repentir, de toi ou d'Allah Azza wa Jal? Et ici le prophète alayhi salatu wassalam dit, il vient d'Allah Azza wa Jal. Quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se réjouissait, son visage reflétait une gaieté aussi splendide que la pleine lune. Nous connaissons bien l'expression de son visage. Alors en m'entretenant avec lui, je lui proposais de concéder à Allah Azza wa Jal et à son messager toute ma fortune. On va s'arrêter là. Ici quand il a vu le prophète alayhi salatu wassalam heureux, et quand il a reçu le repentir, ici, l'agrément d'Allah Azza wa Jalla concernant son repentir, Allah a informé que son repentir était accepté, il a voulu donner tout ce qu'il avait fi sabilillah Azza wa Jalla. Claire? Je lui proposais de concéder à Allah et à son messager toute ma fortune pour entériner mon repentir. Il me répondit, non, il vaut mieux pour toi d'en garder une partie. On va revenir sur ça. Pourquoi tu lui as dit, non, donne pas tout. Voilà qu'il garde une partie pour toi. Je répondis, je conserve donc ici un lot à Khaybar. Puis je dis, ô messager d'Allah, Allah ne m'a sauvé que grâce à ma sincérité. Que grâce à ma sincérité, désormais, la sincérité est partie intégrante de mon repentir. Je ne mentirai jamais à quiconque, comme a dit Ka'b. Par Allah, wallah, je ne connais personne qui tienne plus que moi à ne dire que la vérité depuis que j'eus cet entretien avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Dès lors, je ne mentais jamais et je prie Allah Azza wa Jal pour qu'il m'en préserve le restant de ma vie. Ces versets furent révélés à cette occasion quand Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa arda ici a reçu l'agrément d'Allah Azza wa Jal concernant son repentir. Allah Azza wa Jal a révélé dans le Coran al-Karim, dans sourate al-Tawbah, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله عز وجل a dit, Allah a accueilli le repentir du prophète alayhi salatu wassalam, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. On va revenir sur ça. Reprenons quelques points de cette histoire-là. Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il a été sincère, véridique. Les autres 80 qui ont demandé le pardon au prophète alayhi salam, ils étaient sincères ou pas? Ils étaient sincères, mais ils n'étaient pas sincères. Donc Allah Azza wa Jalla, regardez ce qu'il dit. Il dit, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى النَّبِي عَجِب. Allah Azza wa Jalla, il pardonne à qui? À Ka'b ibn Malik. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, ici, il dit dans le Coran al-Karim, ici, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés et des auxiliaires, qui l'ont suivi à un moment difficile, c'est-à-dire, ici, Ghazwat Tabuk. Ici, qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. On a rapporté ça, qu'il y a des gens qui ont failli de dévier. Puis, il a accueilli leur repentir car il est compatissant et miséricordieux. Ensuite, il dit quoi? وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Allah عز وجل dit ensuite, et il accueille le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, c'est-à-dire très petite. Elle est devenue très petite pour eux. Ils se sont sentis ici renfermés sur eux-mêmes. Ils n'ont vu autour d'eux que quoi? Que les ténèbres. Ils ne voyaient plus de lumière ici. Ils ont eu du mal à supporter cette grosse épreuve. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah Azza wa Jalla est accueillant au repentir et miséricordieux. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. C'est une exhortation ici ou pas? Donc là on a l'histoire à eux. Ensuite Allah Azza wa Jalla, il parle de quoi? À qui? Ahlul iman, toi, moi. Il dit quoi Allah Azza wa Jalla? La preuve c'est une exhortation. Allah il dit regardez, c'est comme si Allah il dit regardez l'exemple, les véridiques et les menteurs. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Craignez Allah wa kunu ma'a sadiqin. Et soyez avec les véridiques. D'accord? Soyez avec les véridiques. Pourquoi? Regarde Allah Azza wa Jalla qu'est-ce qu'il dit ensuite? Sayahlifuna billahi lakum idha inqalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah Azza wa Jalla parle des autres qui n'ont pas été ou qui n'ont pas fait partie des véridiques. Les autres qui ont juré avec maintes excuses. Ittaqillah. C'est pour ça qu'on dit souvent, crains Allah, ne te mens pas à toi, aux gens et à Allah Azza wa Jalla. J'en ai parlé longuement précédemment. On en a parlé longuement. Clair? Le fait de dire la vérité. Allah Azza wa Jalla, regarde qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'il les a laissés? Au moment présent, est-ce qu'ils se sont en sortis? Billahi alaykoum, les 10 premiers jours quand ils ont vu les autres exilés pendant 10 jours. Ou les 20 premiers jours, ou les 30 premiers jours, ou les 40 premiers jours. Qu'est-ce qu'ils devaient se dire les 80? Alhamdoulilah. Ya Rabbi, si on avait dit la vérité, regarde où on serait. 40 jours, comment on aurait supporté? Imaginez-vous la grosse épreuve. Ils ont dû se frotter les mains. C'est comme ça les menteurs. Et ceux qui ne sont pas véridiques, wallah, et souvent au moment présent, ils s'en tirent bien. Souvent c'est ça. Au moment présent, ils s'en tirent bien. Walakin, après le résultat, c'est quoi? كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله عز وجل parle de quoi? Il parle des gens égarés qui ici quand ils restent dans l'égarement etc. Allah عز وجل dit فتحنا عليهم, quand ils ont oublié, حتى إذا نسوا ما ذكروا به, le rappel d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on leur rappelait, ils ont oublié, ils se sont détournés. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de façon générale aux égarés, écoute bien, on leur a ouvert les portes. Fatahna alayhim, ici, les portes, toutes les portes. Donc, ils se détournent du rappel. Ils s'égarent. Allah, il dit avec ça, on leur ouvre toutes les portes. Tout s'ouvre devant eux. Et c'est souvent ça, celui qui fait partie de qui? Des injustes. Inna dhulm, dhulmatun yawm al-qiyamah. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Voilà que, wallah, elle est ténèbre ici-bas aussi. Allah, il dit, fatahna alim. Les injustes, c'est ça. Tout, Allah, il t'ouvre les portes. Tu vas voir l'injuste. Ici, tout va s'ouvrir à lui, etc. Ici, Allah Azzawajal dit, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils se soient, yani, ils ont été heureux. Ils sont arrivés à, yani, un certain degré de joie. Quand ils ont vu toutes les portes s'ouvrir, khlas, farhanin, bizzaf. Quand Allah Azzawajal les monte, les fait monter, grave, à haut niveau, pour montrer ici leur ingratitude. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah عز وجل dit, on les a pris soudainement après. C'est comme ça. Comme ils disent les ulama, l'injuste, Allah عز وجل il le laisse, ولكن il ne l'oublie jamais. Comme il est venu dans le Sahih, il est relaté dans le Sahih, le prophète عليه الصلاة il a dit, Allah عز وجل avec une traduction approximative, il tend la corde à qui? À l'injuste. Il tend la corde à l'injuste. C'est-à-dire, et quoi? Il lui facilite son égarement. Quelqu'un va te faire des injustices. Tu vas avoir mal. Ça va te faire mal. Allah Azza wa Jalla va l'aider encore plus. L'injuste, il va dire, regarde, je suis dans le haq. Toutes les portes s'ouvrent. Allah, il a dit dans le Coran concernant les injustes. Toutes les portes vont s'ouvrir. Allah, il dit, le prophète Azza wa Jalla, il dit quoi? L'injuste, Allah, il lui tend la corde. Et ici, quand il le frappe, il ne le rate pas. Quand il le saisit, il ne le rate pas. Regardez, Allah Azza wa Jalla laisse toujours un délai à l'injuste. Ici, il le laisse monter, ensuite, il le rabaisse. Amma, celui qui se rabaisse pour Allah Azza wa Jalla, من تواضع لله رفع. L'inverse. Ici-bas et dans l'au-delà. C'est pas le moment présent qui nous importe. Lakin, c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, ya Abdallah. Même ici-bas. Wallah, il est véridique, réussissent ici-bas et dans l'au-delà. Ad-Dalil, on va le voir. Les menteurs. Wallah, il-Adim, ils connaissent qu'humiliation et scandale. Ici-bas et dans l'au-delà. Ad-Dalil, on va voir bi-idnillah azza wa jal. La preuve du Coran et de la Sunna bi-idnillah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'eux et il dit quoi? Ils vous feront des sermons par Allah. Des serments par Allah. Quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Regardez comment Allah Azza wa Jalla parle dans les détails. Détournez-vous d'eux. Pas de pitié avec eux. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vont vous faire des serments. Ils vont vous faire des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez. Allah Azza wa Jalla n'agrée pas les... Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas les pervers. Donc là, Allah Azza wa Jalla a scandalisé quoi? Les menteurs. Et il a quoi? Agréé, accepté le repentir des gens véridiques. Ce verset coranique, ayyuha al-ahbab, et d'autres situations nous rappellent que même si tu jeûnes toute la journée, si tu pries toute la nuit, si tu sacrifies des millions fi sabilillah, si physiquement tu es toujours là pour servir la communauté, si tu fais da'watu ilallah jour et nuit, si tu apprends la science jour et nuit, si tu te comportes de la meilleure des façons avec les frères, dis-toi toujours, Wallahi, j'ai pas fait assez. Et demande toujours, Ya Allah, pardonne-moi. Et pourquoi pas, alors que la meilleure des créatures sur la surface de la terre, après qu'il ait tout sacrifié tout au long de sa vie, après qu'il se mettait à prier comme il le relatait dans Sahih Muslim, jusqu'à ce que ses pieds se fendent, et Aïcha lui disait, pourquoi tu fais autant, Ya Rasulallah, alors que tes péchés, passés et futurs sont pardonnés? Et il a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Alors que c'est une personne qui a vu le paradis et l'enfer. Alors que c'est une personne qui a reçu l'éloge d'Allah Azza wa Jal. Il fait partie des meilleurs, ou c'est le meilleur des prophètes et des envoyés. Avec ça, lors de l'approche de la fin de sa vie, Allah a révélé au prophète alayhi salatu wassalam, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Allah, il donne l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam de faire quoi? Al-istighfar. بعد الصلاة, qu'est-ce qu'on fait? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On demande pardon à Allah Azza wa Jal. Al-istighfar, la demande de pardon. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a été ordonné de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Après qu'il ait fait tout ça, toute sa vie, ici c'est les derniers instants de sa vie, il a tout prouvé à Allah Azza wa Jal. Il a montré qu'il aimait Allah Azza wa Jal, comme personne ne l'a montré. Et ici, avec ça, Allah lui donne l'ordre de demander pardon. Comment toi tu vas dire? Parce que tu as appris 15 hadiths et tu as fait ou été la cause de 3 personnes qui rentrent dans l'islam et tu as donné 500 euros fisabilillah. Moi, j'ai fait beaucoup pour la communauté. Parce que tu as une mauvaise compréhension de la religion et tu ne connais pas la vie de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Continue avec moi. Allah Azza wa Jal, ici dans le Coran, il a pardonné à qui ici? Il a pardonné à qui? Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda. Naam. Donc il leur a accepté de leur repentir. Donc le prophète, 50 jours, il attendait que, il attendait le jugement d'Allah. Mais quand Allah Azza wa Jalla, il a pardonné au prophète alayhi salat, il a pardonné à Ka'b ibn Malik, avant ça, il a pardonné à qui? Au prophète alayhi salat wa salam. Regardez, subhanallah, normalement, khlas, on parle de Ka'b. La preuve que le fait qu'on te pardonne, qu'Allah te pardonne, c'est pas parce que c'est une humiliation, c'est un honneur, ya Abdallah. Se repentir auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est un honneur. Voir ton repentir accepté, c'est un honneur. Bien plus que cela, c'est la meilleure des choses qui peut arriver. C'est la meilleure des choses qui peut arriver. Ad-dalilu ala dalik. Ici, c'est quoi la preuve que c'est la meilleure des choses qui peut arriver? Le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? À Ka'b ibn Malik, réjouis-toi du meilleur jour que tu aies connu depuis ta naissance. Réjouis-toi du meilleur jour que tu aies connu depuis ta naissance. Ka'b, est-ce qu'il n'a pas fait des jeûnes sur érogatoire? Est-ce qu'il n'a pas donné fisabila? Est-ce qu'il n'a pas connu des joies? Est-ce qu'il n'a pas fait toutes les expéditions avec le prophète alayhi salatu wassalam, illa Badr et Tabouk, avec tout ce qu'il a vécu Ka'b? Il dit quoi le prophète? Réjouis-toi du meilleur jour que tu as connu depuis ta naissance. Pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur jour? Parce qu'il a reçu at-tawba min Allah azza wa jalla. Car Allah azza wa jalla lui a agréé son repentir, a accepté son repentir. La preuve, comme ils disent les ulama, wa minhum ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, la meilleure des choses qui peut arriver, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal accepte ton repentir. Réjouis-toi, ya Ka'b, du meilleur jour que tu as connu depuis ta naissance, parce qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné. Donc c'est un honneur. Et pourquoi pas, alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et at-tawba, c'est une tahara, c'est une purification, tahara ma'nawiyya. Et wa yuhibbu al-mutatahhirin, c'est une tahara hissiyya. Et c'est pour ça que quand on finit les ablutions, on dit quoi? Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Pourquoi? Parce que quand tu as fini tes ablutions, tu as eu deux purifications. La purification de tes péchés, qui est la purification morale, parce qu'on sait que quand on finit les ablutions, nos péchés sont pardonnés, et la purification physique que tu as eue après avoir passé de l'eau sur tes membres. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent, et c'est pour ça que comme le prophète alayhi salatu wassalam nous en enjoint, on doit se repentir et demander pardon. Al-istighfar, c'est la demande de pardon. Simplement de dire astaghfirullah, Allahumma ighfirli. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allah, pardonne-moi. Personne ne pardonne les péchés si ce n'est ant, toi, ya Allah. Et ici, al-tawba, le repentir, on se repent, ayu al-ahbab, quand on a fait des grands péchés. Et les conditions du repentir, c'est al-ikhlas, être sincère. Est-ce qu'il a été sincère ici, Ka'b ibn Malik? Na'am. Et est-ce qu'il a dit après ça, après ce jour-là, je ne cesserai d'être véridique et sincère, parce qu'il a vu que quoi? Il a vu que quoi? Sa sincérité lui a apporté que quoi? Délivrance, bonne nouvelle. Il a été cité dans le Coran al-Karim. Il a reçu. Toi, tu peux dire, moi, je vais me repentir. Repends-toi 1000 fois dans ta vie. Quelqu'un va dire, oui, mais il a subi quand même. Et regarde, quand même, si il a subi 50 jours des épreuves. Pour que le résultat de l'affaire, on a dit quoi les véridiques? Le résultat de l'affaire, il s'en sort tout le temps les véridiques. Mais regarde, tellement qu'il a été sincère, le prophète, il a été dur avec lui. Mais il a été dur pour quoi? Pour son bien. C'est pour son bien qu'il a été dur ou pas? Comme une personne qui veut éduquer son enfant, il va être dur quelquefois avec lui ou pas? Est-ce qu'il l'aime? Il l'aime énormément. Peut-être plus que n'importe qui. Même si c'est pas demandé, plus que n'importe qui, il faut d'abord aimer le prophète, mais peut-être pour lui plus que n'importe qui. Mais est-ce qu'on va dire qu'il n'aime pas son enfant? Non, il l'aime. Mais pourquoi il lui fait ça? Parce qu'il veut son bien. Qui aime bien? Châtie bien. Donc ici, le prophète alayhi salam, il a été dur, mais c'était pour lui, c'était pour son bien, parce qu'il aimait ses compagnons-là. Il savait, le prophète alayhi salatu wassalam, ici qu'ils étaient véridiques. Il a dit, il est véridique. Khlas, il a dit la vérité. Le prophète, il l'a dit ou pas? Il a dit la vérité. Wa kama qala alayhi salatu wassalam fi sahihain, Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. Ici, le fait de dire la vérité mène vers le bien, et le bien mène vers le paradis. Et le prophète alayhi salam dit inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Ici, mène vers quoi? La débauche. Et la débauche yahdi ila an-nar wal iyad billah. Et la débauche mène vers l'enfer. Regarde, vers, ça veut dire que quoi? Au début, ici, il y a des moments intermédiaires. D'accord? Il n'a pas dit directement, le prophète, alayhi salatu wasalam, si tu mens, ça y est, tu vas être en... Non, ça mène vers la débauche et la preuve qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des étapes. Comme là, il y a des étapes. Ils ont menti, ils ont été, ou ils sont tombés dans la débauche. Voilà qu'ils n'ont pas été scandalisés tout de suite. Ensuite, le prophète dit, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Et ensuite, la débauche mène en enfer. Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il a dit contre eux? Il dit, détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est... Et où? L'enfer. Inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Donc eux, ils étaient dans la période quoi? Ils n'ont pas été directement scandalisés dans la débauche. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Wal-iyadu billah. Regardez ici les paroles d'Allah Azza wa Jalla, les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. Contrairement à qui? Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu warda. Il a été véridique. Avec cela, yu al-ikhwat wal-akhawat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé 50 jours. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'il a été pardonné par Allah Azza wa Jalla. Et pourquoi le prophète alayhi salam il a dit ça, c'est le plus beau des jours que tu aies connu depuis que tu as, depuis ta naissance? Parce que toi, t'as beau te repentir 1000 fois dans la journée, 1000 fois, 10 000 fois dans ta vie. Qui va te dire, Mohamed, ton repentir est accepté par Allah? Qui va te le dire? Qui va nous le dire? Personne, ya Abdallah. Voilà qu'in Ka'b ibn Malik, il a reçu sa certification. Allah a accepté ton repentir. Donc regardez ici, quel honneur. Donc ici, il faut analyser ici un peu les versets coraniques et la biographie du prophète. Il a reçu ici l'agrément d'Allah Azza wa Jal concernant son repentir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que c'est un honneur. C'est un honneur de recevoir le repentir d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a commencé par la personne qui mérite le plus cet honneur, c'est qui? Le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais quand quelqu'un n'a pas une bonne compréhension et on lui dit directement ça, comment ça se fait? Regarde, subhanallah, c'est Ka'b ibn Malik. Mais Allah Azza wa Jalla, il parle du prophète alayhi salam, c'est que lui aussi faisait des erreurs. Vous avez vu? La compréhension saine, on a compris que ici se voir accepter son repentir de la part d'Allah Azza wa Jalla, c'est un honneur. Et Allah Azza wa Jalla, ici, donne ses bienfaits en fonction de ceux qui le méritent. Et ici, c'est qui le mérite le plus? C'est le prophète alayhi salatu wa sallam. Laqad taballahu ala al-nabi. Ensuite, il dit qui? لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. Et ensuite Allah Azza wa Jalla plus loin il dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا. Et ensuite plus loin il dit quoi? Et sur les trois ils ont reçu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sincère, la personne sincère, il ne peut être que véridique, c'est obligé. Quelqu'un qui est sincère, mukhlis, il est sincère, il prie pour Allah Azza wa Jalla sincère, c'est une personne véridique. Et le menteur ne peut tomber que dans quoi? Que dans riya, wal'ayyadu billah. Que dans l'égarement et les choses mauvaises. À titre d'exemple, as-salah, la prière. Ici, la personne est demandée de prier, il est obligé pour nous de prier avec sincérité. On prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clair. Donc quelqu'un qui est sincère, obligatoirement, on va dire il est véridique. C'est-à-dire, il est véridique envers Allah. Ya Allah, je prie pour toi, c'est sincère, donc il est sincère, obligatoirement. Amma le menteur tombe souvent dans quoi? Dans le riya, dans les choses mauvaises, dans l'ostentation. Shirkul khafi, la petite ostentation. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ment. C'est pour ça qu'on dit, celui qui tombe dans l'ostentation, c'est un menteur. Et celui qui est sincère, c'est quelqu'un de véridique. Pourquoi c'est un menteur, celui qui tombe dans l'ostentation? Le prophète, il a donné l'exemple de celui qui prie quand ils ont dit, qu'est-ce que c'est que la petite association? Il a dit shirkul khafi. Et qu'est-ce que c'est que la petite association? Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est que riya afwan? Il a dit, c'est la petite association. Et il a donné l'exemple de celui qui prie, qui embellit sa prière quand les gens le voient. Pourquoi c'est un menteur? Parce qu'il ment à Allah. Donc, ici, prier pour Allah, tu restes normal. Mais quand quelqu'un te regarde, tu embellis. Donc, tu pries plus pour Allah, tu pries pour Allah et pour les gens. Donc, t'es un menteur. Donc, à travers ton action, normalement, tu lui montres Allah et Allah, je prie pour toi. Parce qu'on prie pour Allah. Mais en fin de compte, tu montres que tu pries pour Allah et pour les gens. Donc, tu es un menteur. Celui qui tombe dans le riya, c'est les menteurs. Dans les mauvaises choses, c'est les menteurs. Ceux qui sont sincères, ce sont les véridiques. Ce sont les véridiques. Et lui, ici, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu arda, et ainsi que les gens véridiques, ne connaissent que la félicité. Ici-bas et dans le delà. Ici-bas, on a la preuve. Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu arda. C'est clair? Est-ce qu'il a été innocenté ici-bas? Est-ce qu'il a connu le bonheur ici-bas? Il l'a connu ou pas? La preuve, si vous suivez, le prophète Hassan, il a dit que c'est le meilleur jour que tu as connu. Les savants, ils ont dit ça, c'est la preuve que celui qui est véridique, même s'il passe par des par des tempêtes, par des problèmes, par des épreuves, wallahi al-adim, s'il est véridique et s'il est sincère, la fin de l'histoire, écoutez bien, de l'histoire, la fin de l'histoire, c'est pas 80, c'est pas 98, à 100%, dis même 101% si tu veux, wallahi al-adim, qui goûtera qu'apaisement et bonheur. Et il goûtera la réussite. Et dans le delà, ad-dalil, la preuve que dans le delà, ici, il goûtera au bonheur aussi, parmi les preuves. Parmi les preuves. Min al-adilla. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in, Ihdina, Ihdina Sirata Al-Mustaqim, Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim. On invoque Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Fatiha. Et on dit, Ihdina Sirata Al-Mustaqim, guide-nous dans la voie, dans le droit chemin. Qu'est-ce que c'est que ce droit chemin? Sirata alladhina an'amta, ou qui a emprunté ce droit chemin? Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et qui sont ceux qui ont été comblés de bienfaits? Allah parle dans le Coran al-Karim, dans un autre verset coranique, alladhina an'ama Allahu alayhim, Allah azza wa jalla qad dhakarahum fi aya min kitabillah azza wa jalla. Il les a mentionnés et il a dit que c'était qui? Al-anbiya wa Siddiqin. Allah Azza wa Jalla dit quoi? C'est Al-Anbiya wa Siddiqin wa Shuhada wa Salihin. Il dit c'est les prophètes. Allah Azza wa Jalla parle de cela. An'amta alayhim. Donc guide-nous dans le droit chemin. Ici, Alladhina an'amta alayhim. Ceux, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Qui sont ceux-là? Allah, il a parlé d'eux dans le Coran al-Karim. Quand il a dit, ce sont les prophètes et les véridiques. Les véridiques ainsi que les martyrs et les vertueux. Donc ceux-là, ce sont ceux qui ont été comblés de bienfaits. Continue avec moi. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, Allah dira dans Sourate al-Ma'ida, il dit Allah Azza wa Jal, Allah dira, voilà le jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où leur véracité va profiter aux véridiques. Allah dira, au jour de la résurrection, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. On parle de qui? Les véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Allah l'a, ici ils ont agréé Allah, Allah Azza wa Jalla les a agréés. Et ici Allah Azza wa Jalla dit, voilà l'énorme succès. Donc on voit qu'ici celui qui est véridique va goûter au bonheur et à la réussite ici-bas et dans le delà. Donc quand on dit ici, tu vois que tu es dans une situation où tu as le choix entre mentir et dire la vérité. Dis la vérité à Abdallah. Même si tu sais que ça va faire mal au début, tu vas obliger, ça va faire mal. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda, bien que ici ils ont eu un tort au début, lakin, il a dit la vérité. Ici, ils sont passés par ici des épreuves et des tempêtes. Lakin, le résultat, Allah a accepté ici leur repentir. On citera leur histoire dans le Coran al-Karim, on lira ces versets coraniques où Allah Azza wa Jalla a accepté leur repentir jusqu'au jour de la résurrection. Quel honneur! Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ainsi que les deux, et ils ont été classés parmi les véridiques, et ceux qui se sont en tirés soi-disant, Allah les a scandalisés et a dit que c'était des menteurs, wal'iyadu billah. Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. Les autres, les menteurs, inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar, comme Allah Azza wa Jalla a mentionné dans le Coran al-Karim concernant le grand nombre de menteurs. Plein qui cherchaient des excuses, ceux-ci, cela ne ment jamais. Allah Azza wa Jalla dit, n'oublie jamais ce verset coranique, ya ayyuha alladhina amanu taqullah wa kunu ma'a sadiqin. Non seulement ne ment pas, il reste, soit côtoie toujours les gens véridiques. Reste avec les véridiques. Donc toi, ya Abdallah, toi, Ukhtil Karima, quand tu racontes un rêve, mens pas. Quand tu racontes une histoire, ne mens pas. Même si tu veux faire rire les gens, ne mens pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a maudit la personne qui ment pour faire rire ceux qui sont autour de lui. Donc c'est la malédiction. Donc c'est pour nous rappeler que ça fait partie de Al-Kaba'ir, les grands péchés. Le mensonge, c'est une calamité, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Le mensonge va te faire tomber dans le faux témoignage, wal'iyadu billah, et qui fait partie des plus grands péchés, wal'iyadu billah. Shahadati zour. Donc ici, le mensonge détourne toi, même des petits détails. Même quand tu racontes une histoire d'une chose concernant la vie d'ici-bas. Même un petit détail dans ton histoire ne change rien. Reviens, même si tu veux. Ah, non, smahliya. Par contre, il n'y avait pas ça, il y avait ça. En fait, je me suis trompé. Un détail ne ment pas. C'est comme ça que tu vas éduquer ton âme à être parmi les véridiques. Et si tu donnes l'habitude à ton âme de mentir, même dans des choses mondaines, un jour ou un autre, malheureusement, pour toi, tu peux tomber ou être encadré par le hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il dit « Man qala alayya man lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar » Celui qui dit une chose sur moi que je n'ai pas dit, qu'il cherche sa place en enfer, wal'iyadu billah. Tu vas être un jour ou l'autre amené à mentir sur quoi ? Allah ou le prophète. Pourquoi c'est devenu adi pour toi, habituel ? Rajouter un petit truc là, un petit mot là, une petite phrase là, dans des choses. Donc quand tu vas parler du prophète, tu vas rajouter un petit mot là, une petite phrase là, d'Allah un petit... C'est devenu adi. Pourquoi tu as éduqué ton âme à mentir comme ça ? C'est devenu quelque chose de banal. Donc c'est pour ça qu'on dit ça à tout le monde, à tous et à toutes, même à moi, avec ton époux, avec ton épouse, avec les frères, avec les sœurs, avec ceux... Ne mens jamais. Même des choses de dunya, ne mens pas. Sois véridique et n'oublie pas que ceux qui mentent, ce sont en général ceux qui sont tombés dans les plus grands des péchés comme ar-riya, l'ostentation, wal-iyadu billah, ou les hypocrites, c'est parmi les critères des hypocrites. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam yaqul kama ja'a fi sahih, quand il cite ayat al-munafiq, il parle de qui? Wa idha haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Ça fait partie des critères de l'hypocrite, wal-iyadu billah. Quand il parle, il ment pour rien du tout. Ne ment pas, ne ment jamais. Même pas, ne te dis pas, mais c'est une excuse, ne mens pas. Sauf dans ce que le prophète a permis. Quand le prophète a cité trois cas où on a droit de mentir. Parmi ces trois cas, il y a quoi? L'homme envers son épouse. Il y a pour réconcilier deux personnes. Et il y a en période de guerre. Donc ici, mentir avec son épouse, comme je dis souvent, je donne ces exemples. Si ta femme, elle dit, est-ce que je suis la plus belle du monde? Et tu vois que tu n'es pas la plus belle du monde, tu vas dire, non, t'es la plus moche. Donc tu dis, si tu veux, t'es la plus belle. C'est des choses comme ça. C'est pas, je mens à ma femme jour et nuit, même pour des choses, t'étais où, j'étais là-bas, alors que je mens, abadan. Là, les savants, ils disent, il faut qu'il y ait une maslaha dans le mensonge, et qu'il y ait un intérêt vraiment dans le mensonge, et c'est pas un mensonge ouvert. D'accord? C'est vraiment restreint ici. Clair? Donc ici, c'est des moments, des situations, où le prophète a précisé, où tu peux mentir. Lakin, à part ça, ne mens jamais, et taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Et soyez ici avec les véridiques. Qu'est-ce qu'on prend aussi comme fawaïd de ce récit-là? Ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, et le hadith il est rapporté ou le athar ici dans Riyad al-Salihin avec le tahqiq de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, où il lui dit i'lam anna al-nasra ma'a al-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Il dit, sache que quoi? Inna al-nasra ma'a al-sabr. Comme je le dis souvent, ici ces paroles que le prophète a donné à Ibn Abbas radiyallahu anhu an abi, inna an-nasra ma'a as-sabr, le secours vient avec la patience, wa inna al-faraja ma'a al-karb, ici la délivrance vient après que quoi? Après que tu aies enduré, après que tu aies eu mal, après que tu aies des soucis, après que tu aies de l'angoisse. C'est là que tout se renferme autour de toi. Sache toujours que c'est à ce moment-là que ça se délivre. Ad-dalil, le athar que je viens de vous citer, authentique. Ad-Dalil, Ka'b ibn Malik, 40 jours, rajoute 10 jours, 50 jours, il n'en pouvait plus. Il a rapporté qu'il était en train de dire, ya Allah, ça y est, khlas, il ne pouvait plus, le 50e jour après Salat al-Subh, khlas, il a entendu Al-Bushra, la bonne nouvelle. Wa inna al-faraja ma'a al-karb. Quand tu vois que ça y est, toutes les portes se ferment, t'en peux plus, rappelle-toi de ce verset coranique, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Rappelle-toi de cette parole prophétique, inna al-faraja ma'a al-karb. Ici, khlas, Allah Azza wa Jal, il va te donner sûrement son secours. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit à Abdullah ibn Abbas? Wa inna ma'a al-usri yusra. Et certes, auprès de la difficulté, il y a quoi? La facilité. Khlas. Ça, normalement, le musulman, quand il vit avec ça, il est toujours mertah. Et même quand il sait que tout se ferme autour de lui, il sait très bien que quand tout est en train de se rendre étroit autour de lui, ça, c'est une preuve que le secours n'est pas proche, mais il est très très proche. Mais il est très très proche. Parmi les fawaïd, ici qu'on tire ici de ce récit, Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda, quand il a reçu la bonne nouvelle, la bonne annonce du compagnon qui lui a dit, khalas, tu as reçu le pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé. Il a fait quoi? Après ça, il a salé salat al-fajr. Moi je dis après qu'il a eu la bonne nouvelle. Vous avez oublié? Il a fait quoi, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu warda? À part ça, il a donné son manteau. Il n'a pas voulu. Alors qu'il avait dit, il n'avait que ça. Regardez, il a dit, je l'ai donné alors que j'avais ça. Par? Il a dit quoi, par? Par reconnaissance. Kama qala alayhi salatu wassalam, fi l'hadith, alladhi sahahahu al-albani rahimahullahu ta'ala, man lam yashkuri nas, lam yashkuri Allah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, n'est pas reconnaissant envers Allah. Toute personne, comme ils disent, l'ulama qui t'annonce des bonnes nouvelles et qui te fait du bien, qui est la cause ici que tu vis le bonheur, sois reconnaissant envers lui. Et parmi les actes de reconnaissance, en offrant des cadeaux, ou alors en disant de bonnes paroles, ou en parlant bien avec cette personne, etc., etc. Donc en étant reconnaissant, Ka'b ibn Malik, la première des choses qu'il a fait quand il a su, tout de suite, il a tiré ici son sorte de manteau, il l'a donné alors qu'il dit, alors que je n'avais que ça à mettre. Ajib, alors que je n'avais que ça à mettre. Ici, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'être reconnaissant. I'amalu ala Daouda shukra. Et œuvrez, ô vos familles de Daoud, à titre de reconnaissance. I'amalu. هذه الآية تدل على أن الشكر الشكر بالأعمال ليس باللسان فقط وليس في القلب فقط لا بالقلب واللسان والأعمال. Ici, le choukr, la reconnaissance n'est pas simplement à travers la bouche, avec la langue, avec le cœur, mais c'est avec le cœur, la bouche et les membres. Allah Azza wa Jalla dit œuvrez l'œuvre, i'malu al-a'mal, i'malu ala Daoud shukra, œuvrez aux vos familles de Daoud à titre de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla a fait ce jeu de shukr. Quand tu reçois une bonne nouvelle, prosterne-toi à titre de reconnaissance envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il a été reconnaissant envers Allah, il a été reconnaissant envers celui qui lui a apporté l'information concernant Allah Azza wa Jalla. L'information venant d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clair? Comme ils disent les ulama, si une personne te transmet la religion, c'est-à-dire les bonnes nouvelles venant d'Allah et du prophète alayhi salatu wasalam, sois reconnaissant envers cette personne. Donc les personnes qui sont concernées, ce sont al-ulama, ahlul ilm, ad-du'at, les prédicateurs, etc. Troisième des choses qu'on prend ici comme fawa'id, ici, c'est ce qu'il a dit Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Il dit, subhanallah, concernant Ka'b ibn Malik, et ici Murara, et ici le troisième qui s'appelle Hilal, radiyallahu anhu wa arda'hum. Il dit, regarde, Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, subhanallah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont ni mangé de l'argent illicite. Ils n'ont ni versé de sang de façon illicite. Ils n'ont ni répandu la perversité ou fait des grands péchés. Et avec cela, ici, ils ont reçu cet exil venant de la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Mohammed alayhi salatu wa salam, pendant 50 jours. Ils se sont vus mis à l'écart par l'ensemble des compagnons. Ils ont reçu une épreuve immense. Il dit, que dire des gens au jour d'aujourd'hui qui commettent jour et nuit des grands péchés, des actes de perversité, ici de façon ouverte devant les gens, alhamdoulilah, ils se sentent à l'aise, comme si rien n'était. Il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, tout va bien. Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, aïna nahnu min ha'oula. Où sommes-nous par rapport à ces gens? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum font partie ici des meilleurs des créatures sur la surface de la terre, ba'd al-anbiya et wa rusul, après les prophètes et les envoyés, pourquoi pas? Alors que quoi? Ici Allah azza wa jalla, le prophète alayhi salam, il dit quoi? Idha ahabba Allahu qawman ibtalahum. Quand Allah azza wa jalla aime un peuple, il les éprouve. Et le prophète alayhi salam, il a dit que les serviteurs d'Allah sont éprouvés selon leur degré de iman. Plus la personne est éprouvée et plus il est aimé par Allah Azza wa Jalla. Certes, ils ont reçu des grandes épreuves, walakin, ça c'est la preuve qu'ils ont été aimés par Allah Azza wa Jalla plus que l'ensemble des gens, si ce n'est les prophètes et les envoyés. Radiyallahu anhum wa ardahum min al-mu'minina rijal wa ma baddalu tabdila. Voilà leur description qui a été apportée par Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim et dans la sunna authentique du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et ça, c'est les compagnons qui ont été agréés par Allah Azza wa Jalla, qu'on doit aimer et qu'on doit suivre dans leur comportement et dans leur moralité. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et ça, c'était quelques fawa'id que je voulais citer ici concernant ici cette partie de Ghazwat Tabuk. Et ici, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, j'espère que ça aura été bénéfique à tous et à toutes. Et ça nous prouve encore une fois qu'il y a lire, étudier. Lire la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et lire la biographie du prophète alayhi salatu wassalam avec une bonne compréhension et avec science, ça n'a rien à voir. Et vous le voyez et vous le vivez à travers cette biographie. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.